Vous avez mentionné il y a quelques semaines, il y aura un Gala de boxe à Dolbeau-Missassini. Ça aura lieu le 5 décembre prochain. On en parle avec celui qui est le promoteur de l'événement, Rocky Poulin. Salut, Rocky! Ça va bien, ça va bien. Donc, c'est le 5 décembre prochain. Exactement, le 5 décembre à 7 okay. heures. Comment ça va se passer? Comment que de combats jusqu'à maintenant de confirmer? Là? De confirmer, j'ai 13 combats de confirmer jusqu'à date. J'ai pas fini. Là. Je continue mon booking là, pour ma soirée. Là. Fait que, on devrait être bon pour avoir 13 combats sûrs et certains pour cette soirée-là. Okay. Comment ça, mais 13 combats, les boxeurs vont venir de où? Ils vont venir premièrement du Lac-Saint-Jean. Okay. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean complet, Chicoutimi-Jonquière. Après ça, il va y avoir des boxeurs de Dolbeau. J'ai déjà des boxeurs là, qui sont intégrés dans mon club qui vont boxer ce soir-là. Après ça, on va faire descendre des clubs de l'extérieur. Montréal, Québec. Il va y avoir Bécomo, Chibougamo. OK. Les boxeurs de Dolbeau vont boxer dans quelle catégorie? Il va en avoir à 125 livres, 135 livres, 150 livres. Okay. Puis il va avoir un combat spécial, mais celui-là, je ne peux pas okay. le dire. Mais Rocky, qui entraîne ces boxeurs-là? C'est toi qui es l'entraîneur de ces boxeurs? Exactement, c'est moi qui entraîne. Okay. Et qui sont ces boxeurs de Dolbeau qui vont boxer? Je peux pas les nommer. Bah, oui. Je peux pas les nommer tout de suite. OK, OK. Donc, les billets vont être en vente à quel moment? Ils sont déjà en vente. J'ai déjà des tables là, de disponibles et des billets en pré-vente. Les billets en pré-vente sont à 15 $ pré-vente, 20 $ la porte. Après ça, j'ai des billets VIP à 40 $, des billets VIP qui sont assis directement sur le bord du ring. Puis mes tables, ben, j'ai des tables de disponibles. Là, où on fait juste m'appeler là, au 418-637-06. C'est un objectif, c'est sûr, c'est tous les ventes, mais pour faire ses frais, là, parce que la boxe, c'est pas évident. Là. Il y a plusieurs boxeurs, plusieurs promoteurs qui se sont essayés. Et dernièrement, ça fait au moins pas loin de 10 ans qu'il n'y a pas eu un combat à Gala Dolbeau. Y a-t-il un objectif particulier au niveau des amateurs pour faire ses frais, là? Ben c'est sûr pour faire les frais là, tu sais, il faudrait qu'on aille au moins 400 personnes là, mais jusqu'à date là, c'est de bon augure là. De ce qu'on a fondé le sondage qu'on a fait là, le monde là, il y a un engouement là, la bosse c'est vraiment là, de beau Missassini là, c'est quelque chose, il y a du monde qui en veulent de la bosse, ils veulent s'entraîner, ils veulent faire du cardio, du monde écoute, là, surtout je fais descendre là, mes chums là, Mathieu, Dave puis Alex Hilton qui vont être là sur place. Ça va être quelque chose. Pas sûr qu'avec ça, par exemple, que tu vas atteindre, que tu vas avoir des gens. Là. Je suis pas sûr que c'est eux autres qui ont la plus grosse cote de popularité au Québec. Là. Ben là, on ne peut pas dire grosse cote de popularité, c'est quand même des anciens champions du monde. Oui, mais. C'est des athlètes, c'est des légendes qui ont marqué la boxe québécoise. Là. C'est quand même du monde et qui ne seront jamais battus. Là. Ce qu'ils ont fait côté québécois, là, en boxe, autant en boxe amateur, là, ça ne sera jamais battu ce qu'ils ont fait. C'est sûr, OK, sauf que pour les circonstances, on connaît tout ce qui est arrivé. On sait tout au niveau. Je te parle au niveau de la notoriété. Je ne suis pas sûr que tu vas vendre les frères Hilton. Comme venant à ton gars-là, que ça va avoir autant de prestige que ça aurait été un Éric Lucas, genre. Non, ça c'est pour sûr. Pour les raisons qu'on connaît. Ben, si on regarde, maintenant, il n'y en a pas gros dans le monde de la boxe, là. Il n'y a pas grand boxeur dans le monde de la boxe qui n'a pas eu des déboires puis qui n'a pas eu des petits problèmes d'un bord puis de l'autre, là. C'est essayer d'en trouver un, c'est difficile. Puis si quand on en trouve un, là, c'est parce que c'est une exception. OK, OK. Dis-moi, mais donc de confirmer que les Farrington ont confirmé qu'ils vont être à Dolbeau, ça c'est le 5 décembre. C'est confirmé, c'est écrit, c'est fait Mathieu, Dave et Alexandre. OK. Parlons maintenant de. Mais les boxeurs de Dolbeau, quand est-ce que tu vas les nommer qui vont être là? Quand on va pouvoir les nommer? Aussitôt que je vais être certain que ces athlètes-là vont être prêts pour se battre. C'est là que je vais. Là, on est dans un camp d'entraînement assez intensif. J'ai Tommy, Sam et Jackie qui sont là. Ils sont c'est vraiment dans un... Là, je nomme les prénoms parce que je ne veux pas nommer les noms. Pas pour ça. Je veux pas que ces athlètes-là aient de pression sur le dos parce que c'est quand même assez assez de pression monter dans un ring de boxe puis aller se battre, là. Surtout quand tu rentres dans une salle qui a à peu près 300 personnes, entre 300 et 500 personnes, c'est assez impressionnant. La nervosité puis tout, là, je veux pas qu'ils croulent sous la pression. Fait que là, c'est pour ça qu'on est dans un temps d'entraînement assez intensif. OK. Si on parlait maintenant de Juvena, parce que je sais que la première fois qu'on a parlé de ça, il te restait un endroit à déterminer. Est-ce que le Juvena était la meilleure place pour faire ce gala? Je pense que oui. Okay. Je pense que oui, parce que côté salle, c'est une des plus grosses salles qu'il y a au Juvena. Il y a quand même 5000 pieds carrés. Puis quand on dit 5000 pieds carrés, là, c'est une salle qui est vaste, qui est libre. C'est une belle place. Là. Puis en plus de ça, pendant la soirée, le club de boxe Speakers Light va remettre une partie des fonds de la soirée vont s'en aller là, au fond de la Juvena, de la fondation Juvena. Speakers Light et le club de boxe Pro-Am, les guerriers vont donner une partie des fonds là, de la soirée là, à la fondation. OK. Si on parlait maintenant des billets, donc ils vont être en vente au club de boxe, à ton club de boxe, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres dépôts? Il va y avoir un autre dépôt. Il va y avoir Art Graphique okay. dans le Maine. OK. Et en plus, on va avoir c'est soit Art Graphique ou bien le club de boxe qui va. On a juste à m'appeler au 637-0681 ou bien on appelle Art Graphique dans le mail au fond, là, juste en face du cockroach. Ouais. C'est eux autres qui font l'impression, là. Fait qu'eux autres, ils vont vendre des billets aussi. Fait que si on fait des billets en pré-vente à 15$ ou bien des billets à la porte, mais ça, c'est quand on arrive à la porte, c'est 20$. Ou bien les billets VIP, eux autres, sont à 40$, mais ça, il faut m'appeler. OK. Les tables et les billets VIP, il faut m'appeler. OK. Si on parlait maintenant de ton club. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait une quinzaine d'inscriptions. Est-ce que ça a monté encore? Oui, côté compétition, là, on est rendu à 8 compétiteurs. Okay. Mais, on est en entraînement, là, tu sais. Avant d'embarquer dans un ring de boxe, il faut être prêt. Puis moi, je priorise vraiment, vraiment une défensive exceptionnelle. Il faut vraiment avoir une excellente défensive. Puis moi, quand j'ai commencé à boxe, moi, avec le coach que j'avais, il se fait bien un petit peu des boxeurs. Puis là, ouais, on s'en va au combat, tu sais. Puis on se faisait des figures en face, mais moi, c'est pas comme ça que je fonctionne du tout. Moi, il n'y a pas un athlète qui va se faire blesser. Puis dans mes 21 médaillés au championnat du Québec, il n'y a pas un qui a été blessé. Fait que je prioriserai beaucoup, beaucoup la défensive. Puis c'est extrêmement important. Fait que quand mon athlète va être prêt, il va embarquer dans le ring, puis on va aller à la guerre. Okay. Hey, je veux te parler, parce que moi, après l'entrevue, on m'avait dit qu'il y a d'autres personnes qui font également de la boxe, des clubs. Dolbeau Misasini était quand même plusieurs années sans boxe, puis là, ce que j'ai appris, il y a deux, puis même trois clubs de boxe à Dolbeau. Il n'y aurait pas moyen que tout ce monde-là se parle, puis faire un bon club, au lieu de se diviser tout ça? Ben écoute, gars, moi là, si on putain, là, tu te vas sur le site internet de la Fédération de boxe québécoise, OK? De ce que moi j'ai vu il y a trois semaines, je ne sais pas s'il y en a un autre d'affilié ou quoi que ce soit. Moi, je suis le club de boxe, les guerriers de Dolbeau d'affilié. OK? Il y a d'autres clubs qui font ils font du karaté, ils font du je sais pas ce qu'ils peuvent faire, puis ils donnent des cours de boxe, puis des cours c'est différent. Mais pour ce qui est vraiment boxe compétition, je pense que je suis le seul d'affilié à la Fédération de boxe. Ou s'il y en a un autre, je ne suis pas au courant, mais de ce qu'on a regardé avec la Fédération de boxe du Québec dernièrement, j'étais le seul d'affilié. Fait que tu sais, je suis juste un club de boxe. Ouais. Je suis un club de boxe et de cardio boxe. Je suis pas un club de karaté ou un club de judo qui fait de la boxe ou qui mélange des affaires. Moi, je mélange pas. C'est vraiment juste la boxe. Boxe compétition et du cardio boxe. OK. Ben, Rocky, on va te souhaiter la meilleure des chances. Dès qu'il y aura l'annonce de la carte, j'aimerais être informé. Fait que. Ben, ça va se faire probablement rien que deux semaines avant. Okay. Parce que, tu sais, monter une carte de boxe, là, ça change à tous les jours. Ouais. Regarde, il y en a. 16 combats la semaine passée, je tombe à 13. T'sais. Ça change à tous les jours. Tous les jours, il y en a qui désistent, il y en a qui se blessent, il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent plus. Y en a, t'sais, c'est comme ça, la boxe amateur. La boxe professionnelle, tu peux pas. Écoute, tu signes un contrat, il faut que tu sais, c'est à moi d'être blessé. Mais la boxe amateur, c'est comme ça. Ça change à tous les jours. C'est le même. OK. Ben, OK, Poulet, on s'en parle de l'annonce de la carte. Ben, je t'en voilà, le promoteur du Gallup Box 5 décembre, Rocky Poulet.